will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux. Rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. Bonjour et bienvenue au Summer. Aujourd'hui, c'est Reggae Roots, Techno from Outer Space, musique avec des bruits de casserole, rock très funk et jazz extrêmement latino. On va discuter de téléphone du futur avec un chauffeur de taxi africain et on va parler de musique dépressive avec Monsieur Oiseau. C'est maintenant ou jamais, c'est l'heure de It Is What It Is. Laurent Garnier, It Is What It Is sur Couleur 3. C'est plein de cambouis. Est-ce que vous êtes attaché comme ça, monsieur Oiseau? Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuses? Vous n'imaginez pas, je vais aller réveiller chez Castel avec ça. Et qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. We'll be right back. It is what it is. Ça, c'était la petite démo de la semaine, signée les petits français de Noir de Goût. De la techno genre Detroit, très très musical. Hein. En parlant de musique, un jour, Jim Peterson m'a dit, quand tout va mal, il faut absolument, impérativement écouter John Coltrane, A Love Supreme. Et je suis complètement d'accord avec ça d'ailleurs. Mais ça, j'ai déjà passé dans l'émission, donc on va écouter une version différente de Love Supreme. Signé Anga Diaz, le master of the Timbales. Colar Trauma. l'orchestre. Relax. It is what it is, but Laurent Garnier. Thank you.

qui savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Je sens tes rêves pour toi. Serre-moi dans tes bras. Je sens tes rêves pour je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. www.pedrobroadcast.com et vous cliquez sur It is what it is. On vient juste d'écouter Boubacar Traoré, Je chanterai pour toi, sorti sur le label français Label Bleu. Il vient juste enfin de ressortir sur le label de DJ Deep, un morceau de Mike Debourne qui était sorti il y a très très longtemps. Et malheureusement, à l'origine, il avait juste sorti une toute petite version du morceau New Dimension. DJ Deep vient juste de le re-signer et vient juste de le ressortir en version intégrale. C'est 7 minutes de bonheur total. Enfin, la voilà, la version, la vraie, la longue, Mike Debourne, New Dimension. You wanna know how I make the country better? It's simple. Two words. Keep it real. That's three words. Don't be a spanner. It ain't a real word. Short for in it, innit? Keep it real, real, real, real, real, real, real, real. We'll be right back. avec Monsieur Oiseau. Ouais. Quentin, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. La moustache, c'est normal, c'est depuis le disque. Tu fais de la radio maintenant? Bah oui, j'ai toujours fait de la radio, moi, tu sais bien. Ah bon, à quoi ça sert? La radio? Ouais. À jouer de la musique. Bah là, on se fait de la musique. Faire la différence. Alors, vas-y. Ouais. T'es musicalement satisfait, toi, en ce moment? C'est-à-dire, de ce que je produis ou de ce que j'entends? Ah, musicalement satisfait, c'est tout. Tu me réponds ce que t'as envie, si c'est sur ce que tu produis ou ce que t'entends. Si. On a l'impression que peut tout se passer, là. Ouais. Il y a un an, tout était ennuyeux. Ouais. Là, tout est encore ennuyeux, mais tout peut se passer. Là, ça peut plus se passer maintenant qu'il y a un an. Ouais, il y a un an, c'était la dépression, je crois. Pourquoi? Tout le monde était en dépression. Je sais pas, ouais, moi, j'ai pas vraiment... Je savais pas. C'est vrai. T'as fait un disque dépressé, ouais. Donc, tu étais en dépression. D'accord. T'as épongé ta dépression dans ton disque. Merci. Tu vois? Merci de m'expliquer. Je ne savais pas. C'est une manière saine. J'ai fait un disque déprimant. Non, dépressif. D'accord. Non, il est pas déprimant ton disque. On sent que le mec est dépressif. Non, c'était plus. Moi, je pense que c'était plutôt l'endroit où j'habitais a fait que ça a pas mal influé sur la musique du disque. Mais dis-moi donc un peu plus sur tout ce qui peut se passer, si je peux en savoir. Bah, on peut faire n'importe quoi. Ah oui, tout est permis là. Tout est permis. Non, je crois pas. Je t'écoute. Je dis rien. J'ai rien à dire. C'est à toi que je pose la question. J'ai le sentiment que tout est permis. Bon, ah, c'est bien. Parce que tout est permis, donne-moi juste le nom d'un titre que je peux jouer comme ça pour toi, qui te fait toujours plaisir. Pourquoi? Un film, mec là. Un titre que tu peux jouer toujours pour moi? Ouais, un bon Claude François ou un truc comme ça, quoi. Non, pas une connerie, non, un truc que t'aimes bien écouter qui te fait. Toujours un truc genre. J'allais dire Rain Dance peut-être de Herbie Hancock, mais peut-être autre chose. C'est ce que je te l'ai fait découvrir. Oui. Et tu sais que depuis que tu me l'as fait découvrir, j'ai interviewé Herbie Hancock. Je sais, genre, je suis tombé là-dessus. Ouais. Et j'y en avais parlé. Un morceau sublime d'ailleurs. Et j'ai trouvé le vinyle d'ailleurs. Ouais. Cher, c'est très cher. Ouais. Très cher. Ouais, écoute, un morceau de toujours. Hein? Non, Let's Dance. De Bowie? Ouais. C'est quand même pas son meilleur morceau. Hein. Non, il fallait que je donne le meilleur morceau de Bowie, c'est ça? Non. Ah ouais, toujours quand t'écoutes Let's Dance. Il fait hyper plaisir. En fait, je préfère la version de Puff Daddy, si tu veux. Ouais. Parce qu'il a enlevé les chorus relous. Ouais. Mais on joue quand même cette voilà, la loupe de. Bon, bah, je suis désolé, c'est pour Monsieur Oiseau. Pour Quentin, on joue Let's Dance, on en joue un petit bout. Merci. Merci. Paf, et là, t'envoies le morceau. Ouais. Non, Let's Dance c'était nul, c'est vrai. Bah, dis-moi autre chose alors. Nul à chier, Let's Dance. Ouais, c'est à chier, c'est vraiment un morceau à chier. L'apocalypse de Jean-Pierre Henry. Là, tu fais toujours plaisir. Des bruits de casseroles et tout ça. L'apocalypse de Jean-Pierre Henry. Tu l'as? Bah oui, je l'ai. Ah bon? J'ai trois gros coffrets de Pierre Henry. Merci. Alors, joue la ah, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien ça. Je vais le jouer cette fois. Merci bien, très bien. C'est les 45 secondes où tu les fais danser? Non. C'est les 45 secondes où tu les exaspères. Oui, pour qu'après ils aient envie de danser sur les 28 secondes. Merci. Apocalypse de Jésus-Christ que lui a donné Dieu afin de découvrir à ses serviteurs ce qui bientôt doit arriver. time for something completely different. Time will tell exactly how we lasted. Comfortable to let the truth run past us. De Little Barry, le trio à impérativement voir sur scène. Comme d'hab, on passe du coq à l'âne. On va écouter un truc très dubby, rock. Je ne sais pas trop comment définir cette chose. Tips of my lawn. Think you're going to play me like some cunning fox, seeing things in black and white. That's what I man is trying to fight. I stop the night searching for a raid. That don't mean I am a disco slave. You judge I know what you see. Listen to what I say. Not a disco dream. Not a disco dream. Not a disco dream. All the blood you want me to bleed, I've already bled. Seeking solace on the floor. In your eyes I see you craving for more. So easily raised. Do you think I am some mixed up dread? I tell you, don't come close. You could never know. cross your mind. Poison smell that I dread recognize. See, I've been here 100 times before. Got nothing to prove, no brother man war. I'm not a disco drift, not a disco drift. I'm not a disco drift, not a disco drift. I'm not a disco drift, not a disco drift. I'm not a disco drift, not a disco drift. Psychological effects of marijuana. Time and space. Your awareness of time and space also becomes confused. Things seem to take an unearthly long time. And things which should have taken a long time seem to have zipped by in an instant. Zipping takes an instant. Unzipping seems to take forever. Come on, honey. Come on. Oh! Shut up! D'écouter un morceau de Carl Craig, on va rester à Détroit et on va terminer avec un des maîtres du Detroit style. J'ai nommé Monsieur Jeff Mills. Allez, à très bientôt. Bye bye. Couleur 3. 3 heures.